Passez directement en salle de briefing pour la mission. Salle de briefing pour la mission. Sanctuary, la cinquième planète du système Elara. Thank you. Sanctuary, la cinquième planète du système Elaran. S'il est sobre, bien sûr. S'il est sobre, Sanctuary, la cinquième planète du système Elaran. S'il est sobre, bien sûr. Nous faisons route vers Sanctuary. S'il est sobre, bien sûr. Nous faisons route vers Sanctuary, la cinquième planète du système Elaran. Nous faisons route. L'inspection du vaisseau et rencontrer notre nouveau pilote ou passer directement en salle de briefing pour la mission? Voulez-vous faire l'inspection du vaisseau et rencontrer... Voulez-vous faire l'inspection du vaisseau et rencontrer notre nouveau pilote? Vous faire l'inspection du vaisseau et rencontrer notre nouveau pilote ou passer directement en salle de briefing pour la mission? Voulez-vous faire l'inspection du vaisseau et rencontrer notre nouveau pilote ou passer directement en salle de briefing pour la mission? Voulez-vous faire l'inspection du... La cinquième planète du système Elaran. Je suis venu prendre Hello, gentlemen. Oui.